I'm so dressed up like Elvis from hell, hell. Ce qui me frappe le plus, c'est les franchisés. J'observe quand même qu'il y a beaucoup de magasins franchisés, que c'est beaucoup des grandes enseignes assez connues, puis d'autres qu'on connaît pas. Par exemple, Kiabi, je fais un peu de publicité. c'est une enseigne qui vient de France et qu'on découvre à Bruxelles, en Belgique en tout cas. Et voilà, je vois des marques qu'on connaît, qui existent dans le centre-ville, qui sont aussi représentées, qui ont plus grande surface commerciale par rapport au centre-ville. Je vois beaucoup de lumière. beaucoup d'infos. Et donc voilà, on va vous propose de rentrer. Là, on est à quelques mètres de l'entrée, qui est quand même impressionnante, je trouve. Time goes by so very slow while you are passing. I don't think I really know if you were asking. Crash a plane and boil the stove, then do the last thing. Picture of a piece of wood soaked to the plastic. Declaration spoken low and said in passing. You're the one I used to know, I'd be laughing. Finally that you were coming, I stayed away. If you knew where you were going, I'd be interested. Miles of fields and it's snowing on a frozen lake. Finally that you were coming, I stayed away. Simplify the card was dealt before you played it. Your sense of community is kind of dated. Taking care of Jerusalem is locked and gated. Making sure we all hate who we always hated. Till your lust for blood is well and truly sated. Finally that you were coming, I'd stayed away. If you knew where you were going, I'd be interested. Miles of fields and it's snowing on a frozen lake. If I knew that you were coming, I'd stayed away. j'appellerais ça une grande baie vitrée. Une grande baie vitrée qui ressemble à un hall, un terminal d'aéroport en fait. Ça me fait penser à un terminal d'aéroport. Donc voilà. Bah, je vous propose de rentrer. Bienvenue, hein. Ouais. Allons-y. Bienvenue à Dox. Bienvenue à Dox, on pousse la porte. Voilà. Alors on va déjà voir s'il y fait chaud. Voilà, c'est chauffé. C'est climatisé. Ça sent le neuf, hein, on se croirait chez Ikea. Un peu plus qu'Ikea, hein, un peu plus récent. Là, je veux dire, là, ça sent le meuble en kit. C'est quand même... l'espace là, est énorme, quoi. C'est impressionnant, quoi. Claude Pellier was here. Son jet scratché à basse altitude sur le Walala. 24 décembre 2002, signale la boîte noire de Norwich. Ceci est un poème radio-balise carbonisé. L'appel désespéré d'un monde, image trouée de nuit. Poème atoll de métal et de sang. Nous y sommes, c'est-à-dire nulle part. Ni Europe, ni Amérique. Un océan ou deux nous sépare. L'autre côté tatoué sur un jet de lumière. Un océan qui n'a jamais été le berceau d'une civilisation. Je vois les gens qui nous dénigrent. Le hasard en poudre oblitère l'aquabond d'une pensée. Europe, America balbutie à l'intérieur du vieux génome angoisse blanche, sans trouver des trois passages menant à l'antiquité de Bering. Another side of France, another side of America, a song for Europe. Opale anxieuse comme l'astre théorique. Opale, j'ai dit oui. Opale, miroir, fleur de l'ouest noir. Opale, les feux de tes yeux résonnent encore dans le tambour de mes nerfs. Opale, ne demeure pas dans ce ciel d'os que je hais. Comme je hais tout ce que j'écris. Another side of France, another side of America, a song for Europe. Kido, c'est l'heure, lorsque tu te retourneras, dis-toi que c'est final, on se regardera, le cul par terre, la tête explosée par le sourire vertical. Hey man, keep it cool. Invisible invasion des nuits muettes. Did you fight on Libertalia front? Yes, we did. Captain Mission was a friend of mine. Opal vient voir ses filles tomber d'un mouchoir. Suinte d'aurore et nacre cueillie au doigt. Changer ou disparaître. Je n'irai pas par quatre saisons. Les fleurs se quittent sans se reconnaître. L'air est comme une bouille de fer. Vie multiple passée dans les mémoires rapides d'une intuition de ce monde. Les yeux s'ouvrent sous la découpure du prince Cutter. Et voyage. Provoquer des situations et garder les notes pour vous seul. Qui parle est déjà mort. Action. I want a girl with a mind like a diamond. I want a girl who knows what's best. I want a girl with pews that cut and eyes that burn like cigarettes. I want a girl with the right allocations, who is fast and thorough and sharp as a tack. She's playing with her jewelry, she's putting up her hair. She is touring the facility and picking up slack. I want a girl with a short skirt and a long jacket. Gets up early. I want a girl who stays up late. I want a girl with uninterrupted. with prosperity, who uses a machete to cut through red tape, with fingernails that shine like justice, and a voice that is dark like tinted glass. She is fast, thorough, and sharp as a tack. She is touring the facility and picking up slack. I want a girl with a short skirt and a long jacket. Girl with a smooth liquidation. I want a girl with good dividends. At Citibank we will meet accidentally. We'll start to talk when she borrows my pen. She wants a car with a cup holder armrest. She wants a car that will get her there. She is changing her name from Beauty to Karen. She is trading her MG for a white Chrysler. I want a girl with a short skirt and a long C'est vraiment impressionnant, quoi. Plafonds très hauts et vitrés, des plafonds très hauts, vitrés, grandes verrières, quoi. Donc au-dessus, les allées sont larges, comme il disait à la radio. Hein. Les allées sont larges et très éclairées. Mais sinon, jusqu'à présent, les marques que je vois, c'est toutes des marques qu'on a au centre-ville. Alors, on peut aussi craindre la concurrence avec City 2, où les, où les gens sont quand même en... Ce que je disais, c'est... est déjà en péril, quoi. Donc, les commerçants, ça va pas être évident, je pense. Ce que je disais, c'est que la plupart des marques qui sont présentes ici existent aussi déjà dans le Mais centre-ville. Oui, tout à fait. Donc se font un peu concurrence, quoi, je trouve. C'est pas... offre culturelle, j'ai du mal à croire que dans un centre commercial, on fasse une offre culturelle. Je ne sais pas quel genre, peut-être il y a peut-être des animations. Il y a les cinémas, et alors moi je me suis dit, je vais quand même regarder la programmation comme je suis cinéphile, et que ça m'intéresse d'aller à pied au cinéma. Et puis il n'y a qu'un seul film qui m'intéressait, sur les 8, bon, voilà. Le film des frères Dardenne, quoi. Donc, mais enfin, c'est plus cher, c'est 12,50 €, c'est quand même pas rien, je trouve, pour une place de cinéma. Quand on va en couple ou en famille, c'est pas bon marché. Bon, je ne sais pas s'il y a des réductions, mais en tous les cas, moi je pensais, ils avaient dit au départ qu'il y aurait du cinéma d'auteur, mais où est-ce qu'il est ? La culture, c'est quel genre de culture qu'on va nous proposer ici ? Enfin, peut-être, je ne veux pas être pessimiste, mais j'aimerais bien quand même qu'on puisse aider des producteurs ou des cinéastes belges ou des jeunes qui font des films et des choses comme ça, qu'on puisse un peu se tourner vers la jeunesse bruxelloise ici, qu'au moins ça profite à la jeunesse bruxelloise et qui bouge et qui a plein d'idées, qui fait plein de choses. Regarder les gens avec gentillesse, regarder les visages, regarder les couleurs, les lumières, les enfants, en espérant que... Enfin, ça, c'est comme ex-syndicaliste que je dis ça, en espérant que les gens ici sont correctement traités dans les magasins, qu'ils n'ont pas des horaires de fou, parce que je vois qu'il est déjà 7h15, 19h15, et ils sont toujours là dans les magasins sont toujours ouverts. Donc voilà, j'espère qu'ils sont payés pour leurs heures supplémentaires et que ce n'est pas des jeunes avec que des contrats précaires qui sont utilisés. Voilà, tout ça, ça fait partie de mes questions. Oui, ça... Keep your chin up, it's not over. Get your eyes up off the floor. Take my rabbit's foot and my four-leaf clover. I'll hang a horseshoe above your door. And if we don't get lucky, then we'll get it on. And we'll wish away the world till it's gone. I'll lift you up. There's pavement in the playground. I'm all black eyes and bloody knees. And if I'm going to score my touchdown, I gotta know what you believe. So grab your pom-poms and rehearse your cheers. Practice in your bedroom with the mirror. And lift me up high. Bring you down, lift me up. I won't bring you down, lift me up. I won't bring you down, lift me up. I won't bring you down, lift me up. Keep your chin. It's not over, it ain't as bad as it seems. They can stop you at the border, but they can't confiscate your dreams. So get your ticket and get out of town. Call me up and tell me what you found. Lift me up, I won't bring you. Lift me up, I won't bring you down. Lift me up, I won't bring you down. Lift me up, I won't bring you down. I won't bring you down. I won't. down. I won't bring you down. I won't bring you down. Secret, right? We all failed. The cause spread and around. Winter gales have settled down. My friend, we all failed. The cause spread and around. Missing love, the love we want. It's life. Ça garantirait un succès commercial. Par contre, ça peut garantir aussi la pompe à clients d'un centre-ville qui, pour l'instant, malgré sa rénovation prochaine, ne se porte pas très très bien. Ce que je voulais dire aussi par rapport au business model d'un centre commercial, c'est qui fait la plus-value dans un centre commercial. Eh bien, ce sont ses promoteurs et les investisseurs aux côtés de ses promoteurs. Ensuite, ils vendent ça à un premier bailleur qui, lui, va devoir, vu l'épaisseur financière de son achat, qui va devoir clairement le rentabiliser et donc trouver des enseignes qui payent beaucoup. Ici, sont pratiquement toutes des majors, donc elles vont beaucoup payer. Mais pour rentabiliser ces antennes, pour revenir sur ce que disait Elisabeth, ben, il y a une certaine pression sociale, c'est-à-dire il faut que le personnel, qui est un autre grand poste de coût, soit rentabilisé au maximum. Et donc on voit qu'en fait, ça n'est pas au bénéfice de l'exploitant ni des travailleurs de pouvoir se mettre ici, mais surtout à payer le premier investisseur, c'est-à-dire le premier propriétaire de la surface qui se trouve là-dessus. Damn, why your face all sweaty? town, drove on and on, his destination Maine. He'd like to stop and rest a while, but his freight just wouldn't be. His body ached, his mind felt numb, his eyes had closed with sleep. He thought about the time he lost with woman Mary Lou. And then his thoughts turned to his wife, he promised he'd be true. Temptation had stepped in his path and he had failed to test. But if he stopped, he knew his conscience wouldn't let him rest. Roll along, roll along. Just ahead, one cup of coffee he would have, enough to clear his head. As he stepped on the running board, strange music he did hear. And suddenly before his eyes, the truck stop disappeared. There in his place, a trailer sat, its color black as death. Seated there beneath the wheels, that's the devil himself. And Jim's heart was filled with fear, for there before his eyes, a caravan of trailers came rolling through the skies. Roll along, they had paid. There is no time to stop and rest, he heard the devil cry as he led that convoy on across the dark and stormy sky. Roll along, roll along. Sans doute, le remède à cet excès de vitalité démocratique est-il connu depuis Pisistrate, si l'on en croit Aristote. Il consiste à orienter vers d'autres buts les énergies fiévreuses qui s'activent sur la scène publique, à les détourner vers la recherche de la prospérité matérielle, des bonheurs privés et des liens de société. Hélas, la bonne solution révélait aussitôt son revers. Diminuer les énergies politiques excessives, favoriser la recherche du bonheur individuel et des relations sociales, c'était favoriser la vitalité d'une vie privée et de formes d'interaction sociale qui entraînaient une multiplication d'aspirations et de demandes. Et celle-ci, bien sûr, avait un double effet. Elle rendait les citoyens insoucieux du bien public et sapait l'autorité de gouvernement, semée de répondre à cette spirale de demandes émanant de la société. We'll be right back. l'affrontement de la vitalité démocratique prenait ainsi la forme d'un double bind simple à résumer. Ou bien la vie démocratique signifiait une large participation populaire à la discussion des affaires publiques, et c'était une mauvaise chose. Ou bien elle signifiait une forme de vie sociale tournant les énergies vers les satisfactions individuelles, et c'était aussi une mauvaise chose. La bonne démocratie devait être alors la forme de gouvernement et de vie sociale apte à maîtriser le double excès d'activité collective ou de retrait individuel inhérent à la vie démocratique. Sell me, I'm an adult and sweet glee. I'm not me now anymore. Buy, buy, buy, buy me. Sell me, now I'm product, why me? Want something different, yes please, oh well. Isn't it tough at the top, they all say. Don't complain. So buy me, sell me, I'm in a Dalton's Weekly, page 14, very rare, picture sleeve and turquoise hair, see me, feel me, nothing but the real me, in the shops, in the racks, with all the others back to back, isn't it tough at the top, they all say, shut up. So buy me, sell me, I'm in a Dalton's Weekly, I'm not me now anymore, bye, bye, bye, bye. Ah! Oh. Winky wanky woo. Shut up. Gonna take one chance on her. One foot in the cylinder. And in a moment of passion, get the door, light up fancy. Gonna smile, I'm gonna laugh. You're gonna get a bloodbath. And in a moment of passion, get the floor, light of man. You gotta go, go, go, go, goodbye. Let's see you go, go, go, go, goodbye. Let's see you go, go, go, go, goodbye. Let's see you go, go, go, go, goodbye. Let's see you go, go, go, go, goodbye. Let's see you go, go, go, go, goodbye. Now I know the score. I don't need you anymore. Don't want you cause you're I need somebody good. I need a miracle. Should take a chance on her. One foot in the cylinder. Gonna smile, I'm gonna laugh. You're gonna want my autograph. And in a moment of passion, get the glow. You gotta go, go, go, go, goodbye. Let's see you go, go, go, go, goodbye. Let's see you go, go, go, go, goodbye. Let's see you go, go, go, go, goodbye. Let's see you go, go, go, go, goodbye. Let's see you go, go, go, go, goodbye. Go, go, go, go, goodbye. Goodbye. Goodbye, go, go, goodbye. Let's see you goodbye. Telle est la forme ordinaire sous laquelle les experts énoncent le paradoxe démocratique. La démocratie, comme forme de vie politique et sociale, est le règne de l'excès. Cet excès signifie la ruine du gouvernement démocratique et doit donc être réprimé par lui. Cette quadrature du cercle eut excité hier l'ingéniosité des artistes en constitution. Mais ce genre d'art n'est plus guère estimé aujourd'hui. Les gouvernants s'en passent assez bien. Que les démocraties soient ingouvernables prouve surabondamment le besoin qu'elles ont d'être gouvernées, et c'est pour eux une légitimation suffisante du soin qu'ils prennent justement à les gouverner. Mais les vertus de l'empirisme gouvernemental ne peuvent guère convaincre que ceux qui gouvernent. Les intellectuels ont besoin d'une autre monnaie, surtout de ce côté de l'Atlantique et surtout dans notre pays où ils sont à la fois tout proches du pouvoir et exclus de son exercice. Un paradoxe empirique pour eux ne peut se traiter par les armes du bricolage gouvernemental. Ils y voient la conséquence de quelques vices originels, de quelques perversions au cœur même de la civilisation, qu'ils s'emploient à traquer en son principe. Il s'agit alors, pour eux, de dénouer l'équivoque du nom, de faire de démocratie non plus le nom commun d'un mal et du bien qui le guérit, mais le seul nom du mal qui nous corrompt. I wonder what look up and the audience is gone. We feel a little bit obscure. Think we're not needed here. We must be new wave. Then I can't wait. Yeah, yeah. The one that's okay. Tandis que les armées américaines œuvraient à l'expansion démocratique en Irak, un livre paraissait en France qui mettait la question de la démocratie au Moyen-Orient sous un tout autre jour. Il s'appelait « Les penchants criminels de l'Europe démocratique ». L'auteur Jean-Claude Milner y développait, à travers une analyse subtile et serrée, une thèse aussi simple que radicale. Le crime présent de la démocratie européenne était de demander la paix au Moyen-Orient, c'est-à-dire une solution pacifique du conflit israélo-palestinien. Or, cette paix ne pouvait signifier qu'une chose, la destruction d'Israël. Les démocraties européennes proposaient leur paix pour résoudre le problème israélien. Mais la paix démocratique européenne n'était rien d'autre que le résultat de l'extermination des Juifs d'Europe. L'Europe unie dans la paix et la démocratie avait été rendue possible après 1945 pour une seule raison. Parce que le territoire européen s'était trouvé, par le succès du génocide nazi, débarrassé du peuple qui seul faisait obstacle à la réalisation de son rêve, à savoir les Juifs. L'Europe sans frontières, c'est en effet la dissolution de la politique qui a toujours affaire à des totalités limitées dans la société dont le principe est au contraire l'illimitation. La démocratie moderne signifie la destruction de la limite politique par la loi d'illimitation propre à la société moderne. Cette volonté de passer outre à toute limite est à la fois servie et emblématisée par l'invention moderne par excellence, la technique. Elle culmine aujourd'hui dans la volonté de se débarrasser, par les techniques de la manipulation génétique et de l'insémination artificielle, des lois même de la division sexuelle, de la reproduction sexuée et de la filiation. La démocratie européenne est le mode de société qui porte cette volonté. Pour arriver à ses fins, il lui fallait, selon Milner, être débarrassé du peuple dont le principe même d'existence est celui de la filiation et de la transmission, le peuple porteur du nom qui signifie ce principe, soit le peuple porteur du nom juif. C'est précisément, disait-il, ce qui lui a porté le génocide par une invention homogène au principe de la société démocratique, l'invention technique de la chambre à gaz. L'Europe démocratique, concluait-il, est née du génocide et elle en poursuit la tâche, en voulant soumettre l'État juif aux conditions de sa paix, qui sont les conditions de l'extermination des Juifs. don't be a dick. Don't be a dick. Don't be a dick. As a kid, I liked the Beatles, and then Sticks and Yellow. Roller skated backwards to disco. Ass kicked 'cause my school book said Devo. I learned to cross town rivals when a car of massive jocks asked what school I attended, and then pelted me with rocks. I poured sugar. Don't be a dick. Don't be a dick. Don't be a dick. Don't be a dick. Studied history and religion in the schools where I was punched. My funny hair deeply offended a delinquent bought me for my lunch. And all the books and Bibles, social theory and explanations can be summed up in a minute. Aggression triggers escalation. No one likes to be assaulted, getting poked with a burning stick, unless you've got permission. Don't be a dick. Special golden rule or common consideration. You could call it manners or etiquette or make a scientific explanation. But it all boils down to kindness, or at least not being a meanie. And if you don't understand that, you might be a giant weenie. Don't be a dick. From the alleys of Barcelona to the New York City gutters, from the Tokyo elevators to London bikes ridden by nutters, I rock with millions of diverse people, big to small and fancy to plain. On our skin and clothes and hardware, more or less, we're all the same. Please forgive me for this lecture, but 50 years taught me this trick. If you wanna make life, be a dick. Il y a plusieurs manières de considérer cette argumentation. On peut s'opposer à sa radicalité, les raisons du sens commun et de l'exactitude historique, en demandant par exemple si le régime nazi peut être aussi aisément tenu pour un agent du triomphe européen de la démocratie, sinon par le recours à quelques ruses de la raison ou téléologie providentielle de l'histoire. On peut, à l'inverse, en analyser la cohérence interne à partir du cœur de la pensée de son auteur, soit une théorie du non articulée à la triplicité lacanienne du symbolique, de l'imaginaire et du réel. Je prendrai ici une troisième voie, considérer le noyau de l'argumentation non selon son extravagance au regard du sens commun ou son appartenance au réseau conceptuel de la pensée d'un auteur, mais du point de vue du paysage commun que cette argumentation singulière permet de reconstituer, de ce qu'elle nous laisse percevoir du déplacement subi en deux décennies par le mot de démocratie dans l'opinion intellectuelle dominante. We wouldn't wanna break the egg as we walk. Never alone, cautious, afraid. I hear the voice of reason on the PA. Leave it alone, follow the grain. We couldn't stop the irresistible force. Leave it the same, change with the leaves. Me and me.

sweep free to such a proud terrain. I wanna be as free to such a proud terrain. Ce déplacement se résume dans le livre de Milner par la conjonction de deux thèses. La première met en opposition radicale le nom de juif et celui de démocratie. La seconde fait de cette opposition un partage entre deux humanités. Une humanité fidèle au principe de la filiation et de la transmission, et une humanité oublieuse de ce principe poursuivant un idéal d'auto-engendrement qui est tout autant un idéal d'autodestruction. Juifs et démocratiques sont en opposition radicale. Cette thèse marque donc le bouleversement de ce qui structurait encore, au temps de la guerre des six jours ou de la guerre du Sinaï, la perception dominante de la démocratie. On faisait alors gloire à Israël d'être une démocratie. On entendait par là une société gouvernée par un État assurant à la fois la liberté des individus et la participation du plus grand nombre à la vie publique. Les déclarations des droits de l'homme figuraient la charte de ce rapport d'équilibre entre la puissance reconnue de la collectivité et la liberté garantie des individus. Le contraire de la démocratie s'appelait alors totalitarisme. Le langage dominant nommait totalitaire les États qui déniaient en même temps, au nom de la puissance de la collectivité, les droits des individus et les formes constitutionnelles de l'expression collective. Élections libres, liberté d'expression et d'association. Le nom de totalitarisme voulait signifier le principe même de ce double déni. L'État total était l'État qui supprimait la dualité de l'État et de la société en étendant sa sphère d'exercice à la totalité de la vie d'une collectivité. Nazisme et communisme étaient perçus comme les deux paradigmes de ce totalitarisme fondé sur deux concepts qui prétendaient transcender la séparation entre État et société, ceux de race et de classe. L'État nazi était considéré selon le point de vue qu'il avait lui-même affirmé, celui de l'État fondé sur la race. On tenait donc le génocide juif pour l'accomplissement de la volonté déclarée par cet État de supprimer une race dégénérée porteuse de dégénérescence. You say, and the way you are, higher than, what? day is for sure. Thanks. Take a ride. Le livre de Milner offre l'exact renversement de cette croyance naguère dominante. La vertu d'Israël est désormais de signifier le contraire du principe démocratique. Le concept de totalitarisme a perdu tout usage, le régime nazi et sa politique raciale toute spécificité. Il y a cela une très simple raison. Les propriétés qui étaient hier attribuées au totalitarisme, conçues comme état dévorant la société, sont tout simplement devenues les propriétés de la démocratie conçues comme société dévorant l'état. Si Hitler, dont le souci dominant n'était pas l'expansion de la démocratie, peut être perçu comme l'agent providentiel de cette expansion, c'est parce que les antidémocrates d'aujourd'hui appellent démocratie la même chose que les zélateurs de la démocratie libérale d'hier appelaient totalitarisme, la même chose à l'envers. Ce qu'on dénonçait naguère comme principe étatique de la totalité close est dénoncé maintenant comme principe social de l'illimitation. Ce principe appelé démocratie devient le principe englobant de la modernité prise comme une totalité historique et mondiale, à quoi s'oppose seul le non-juif comme principe de la tradition humaine maintenue. Le penseur américain de la crise de la démocratie peut encore opposer, au titre du choc des civilisations, la démocratie occidentale et chrétienne à un islam synonyme d'Orient despotique. Le penseur français du crime démocratique propose, lui, une version radicalisée de la guerre des civilisations en opposant démocratie, christianisme et islam confondus à la seule exception juive. We'll be right back.